ton professeur de chinois est-il à la maison maintenant? Alors, professeur en langue chinoise. 你的中文老师现在在家吗？ Comment dis-tu, professeur? 老师。 Oui, 老师。 J'ai une question. Pourquoi est-ce que dans ce cas précis, vous avez choisi de ne pas utiliser le mot pour à l'intérieur, comme dans Tia Li? Eh bien, parce que c'était à la maison et que vous n'avez pas précisé si c'était à l'intérieur ou dans le jardin. Parfait. Donc, ton professeur de chinois est-il à la maison maintenant? 你的中文老师现在在家吗? Non, c'est-à-dire, il ne se trouve pas à cet endroit. Et il suffit d'employer le verbe ne pas se trouver à. 不在. Il est à Pékin maintenant. 他在北京. Il maintenant, parce qu'on a besoin de savoir quand cela se passe. Ah oui. 他现在在北京。 Comment dites-vous ne pas être à? Vous l'avez bien dit, mais là, je vous fais répéter pour renforcer ce que vous connaissez. 不在。 Oui, avec le trampoline ici. 不在。 Non, il est à Pékin maintenant. 不在。他现在在北京。 Où est ton professeur de français? 你的老师。 Ton langue française professeur se trouvait où? 你的法文老师在哪儿? Où est ton professeur de français? 你的法文老师在哪儿? A-t-il des livres dans sa maison? 他有书在家里。 Dans sa maison, plus l'interrogatif. Oh. 在他的家里吗? Ou bien nous pouvons dire, dans sa maison, a-t-il des livres? Alors, pouvez-vous s'il vous plaît nous dire? Dans sa maison, il a, d'accord. 在他的家里他有书吗? Alors, ma collègue va nous donner les deux manières de le dire, s'il vous plaît. Les deux phrases sont correctes. 他有书在他的家里吗? Ou bien, 在他的家里他有书吗? Mais en général, on indique l'endroit en premier, puis on indique la personne et puis le verbe. Donc c'est la deuxième variante qui est la plus fréquente. Oui. 在他的家里他有书吗? Bien sûr, c'est un professeur. Tous les professeurs ont des livres chez eux, dans leur maison. Donc dites d'abord « bien sûr ». Là, c'est de nouveau les engins. 当然. Donc, c'est un professeur. Littéralement, il est professeur. 他是老师. Tous les professeurs ont des livres chez eux ou dans leur maison. 老师都有书。在他们的 家里。 Bien sûr, c'est un professeur. Tous les professeurs ont des livres dans leur maison. 当然，他是一个老师，老师都有书在他们的家里。